Alors, est-ce que ça va marcher? Ah oui. Heureusement, ça. Doris Vermot, les livres qu'elle aime trop. Bonjour Doris. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre capsule. Et comme on a passé depuis 10 jours ensemble à parler de livres que moi j'aime et que je vends à la librairie du Festival Archipel, ben, pour cette dernière capsule, c'était à mon tour de te demander de me parler d'un livre que toi t'apprécies. C'est un livre qui, en l'occurrence, je n'ai pas lu. Donc j'aimerais bien que tu me dises un peu plus de choses à propos de ce livre, à commencer par son titre. Alors, il s'appelle Murderous Unladylike. C'est un livre écrit en anglais par Robin Stevens, qui est une autrice qui est née en Californie et qui vit en Angleterre depuis qu'elle a 3 ans. Et alors, c'est un livre où il y a, je pense qu'il y a 10 tomes. Et dans chaque tome, on retrouve les deux héros du livre. Deux écolières, une s'appelle Hazel et une qui s'appelle Daisy. Et elles commencent le livre, je pense qu'elles ont 12 ans. Et elles grandissent au fur et à mesure avec les tomes. Et donc, chaque tome, c'est un meurtre. Et elle mène l'investigation. Et comment ça se fait que ces deux héroïnes se retrouvent toujours à des endroits où il y a des meurtres ? Ah bah ça, c'est la magie des romans policiers. Hein. C'est comme Détective Conan, le manga. Et il y a genre, il fait genre 300 aventures où à chaque endroit, il y a un meurtre à chaque fois qu'ils se retrouvent là. Mais voilà, et souvent leurs parents leur disent bon, alors pas de meurtre cette fois-ci, et elle tombe toujours sur un meurtre, quoi. Mais voilà, et donc c'est un peu compliqué pour elles parce qu'elles doivent aussi trouver leur manière de faire les investigations, vu que ça se passe en 1936. Et vraiment, c'est. Il y a un des tomes, par exemple, qui se passe pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, mais on n'en parle pas trop, mais voilà, et donc. Et toi, t'as commencé à lire à quel âge ces livres ? Bah, moi, j'ai lu l'année passée, mais je crois que à partir de 9-10 ans, c'est vraiment. C'est approprié, en fait, pour tous les âges. Enfin, tous les âges, à partir de 10 et 11 ans. Et toi, c'est quoi vraiment que t'aimes le plus là-dedans ? Pourquoi ça te parle autant que ça ? Ben, en fait, c'est parce qu'il y a une intrigue. À chaque fois, c'est bien recherché, c'est pas trop tiré par les cheveux. Et souvent, par exemple, Agatha Christie, c'est un peu compliqué. Et là, en fait, t'as vraiment... Les personnages, ils sont clairs. Au début, t'as la carte, enfin, t'as la map de où ça se passe et tout. Et vraiment, les personnages sont hyper attachants. Et en fait, tu vis l'histoire avec elles, quoi. Ce qui est vraiment super chouette. Et qu'est-ce qui se passe dans le dernier tome que t'as lu ? Bah, je vais pas spoiler, mais le dernier tome, il est vraiment chouette. Et à chaque fois, bah, les résumés aussi sont super chouettes et ça donne vraiment envie de le lire. Du coup, je conseille très fort ce livre parce que c'est vraiment ma série préférée. Et alors, je sais qu'ils sont en anglais, mais je sais aussi que les 3 premiers tomes, je crois, voire plus, ont été traduits en français. Mais si vous parlez anglais, et si vous savez lire en anglais, c'est mieux de les lire en anglais. Et toi, tu les achètes quand ils sortent en librairie ou tu les achètes tous en une fois ? Bah, en fait, je voulais faire durer le plaisir. Du coup, je les ai achetés petit à petit, mais en fait, je pense pas qu'ils sont... Peut-être ils sont à filigrane, un truc comme ça, mais moi, je les ai achetés sur un site anglais. Et est-ce que là-dedans, il y a un peu des choses qui parlent un peu des conditions des filles de ton âge c'est-à-dire, est-ce que tu trouves là-dedans des choses avec lesquelles, toi, tu peux t'identifier peut-être davantage que des livres écrits par... des hommes qui parlent d'histoire avec des héros hommes. Bah, je trouve ça chouette que ce soit une femme, qu'elle soit jeune et que bah tu peux te dire OK, c'est quand même possible d'avoir un avenir dans la littérature quand tu es toute seule et enfin évidemment il y a toute une équipe derrière mais voilà, elle a pas spécialement des parents écrivains célèbres. Donc je trouve que c'est un beau message aussi. Et le fait que ce soit des héros, hein, ben, parce que je crois pas qu'on peut utiliser le terme, bref. Le fait que ce soit des héroïnes, je trouve ça aussi chouette parce que c'est aussi un côté historique. Et je crois que quasi tous les tomes se passent dans un endroit différent. Et voilà. Et donc les intrigues se passent spécifiquement en Grande-Bretagne ? Alors, il y en a qui se passent dans leur école. Et il y en a, le dernier par exemple, il se passe en Égypte. Il y en a un aussi dans un train, clin d'œil à l'Orient Express de Agatha Christie. Et il y en a un aussi, mon préféré, il se passe, c'est le tome 7, qui se passe dans un théâtre. Et celui-là, il est super chouette et le dénouement est incroyable. Donc, c'est vraiment bien. Donc toi, tu les as lus en anglais, c'est ça ? C'est ça. Et aussi, je voulais dire qu'il y a une des deux héroïnes qui est d'origine asiatique. Et en fait, vu qu'elle est dans une boarding school, dans une école en Angleterre, c'est aussi son point de vue que, en fait, elle se fait mal regarder parce que c'est en 1936 et que c'est, par exemple, dans les boarding schools qui sont chères et wealthy, il y a pas beaucoup de mixité, donc ça raconte aussi son point de vue qu'en fait elle subit un peu du harcèlement, quoi. Et les auditrices et les auditeurs ont remarqué que toi, tu as un accent anglais absolument incroyable et tu lis ces livres en anglais. C'est quoi ton rapport à l'anglais et en général à la Grande-Bretagne ? Ma mère est anglaise et moi aussi je suis anglaise. Et du coup, ma grand-mère est aussi anglaise. Et alors, tous les ans, on va en Angleterre. Et moi, je trouve ça super chouette, l'Angleterre. Genre, j'aime trop. Et tu parles anglais avec ta mère ? C'est ça. Et avec ta grand-mère. C'est ça aussi. Merci Doris. Rappelle-nous le titre du livre, de la série. Mad American Ladylike de Robin Stevens. Super Doris. Archi Radio. La radio du festival Archipel. En direct de 10h à midi sur archipel.org.